Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Les journaux, les agences de presse et les radios, ainsi que les homepages d'Internet de divers pays, notamment la Russie, le Congo démocratique, le Népal, l'Allemagne, la Pologne, le Nigeria et le Pérou, ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a dirigé sur place le lancement expérimental de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol façon 10, et s'est fait photographier en souvenir avec les personnes qui ont contribué à la réussite au lancement expérimental. Le journal sénégalais Le Populaire et les radios nationales, internationales et en sept langues nationales de Guinée ont informé de sa visite à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang. Le journal indien World Mirror a présenté son inspection de l'usine de transformation des céréales de Pyongyang modernisée et le homepage d'Internet de l'association d'amitié Pektosan Tchèque-Corée a inséré la nouvelle de sa visite à l'usine de préparation du kimchi Ryugyong nouvellement construite. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal coréen.